Sur 100 km, rouler à 120 au lieu de 130 km/h allonge la durée de trajet de 4 minutes? Réponse A, 14 minutes. Réponse B, 24 minutes. Réponse C.